Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahu Allah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. Deuxième leçon. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان ليوم الدين. أما بعد. نزلنا في الدرس الأول. Toujours dans le premier cours. Inch'Allah, sanusawwibu at-tamarin allati kanat al-yawm. Vous corrigez l'exercice qui était pour aujourd'hui. Awalan, sa'as'alukuma an al-kalimat. Je vais vous interroger sur le vocabulaire. Al-kitab, yurla. Taïe. Andak. Ma ma'na ijra'at. En français. Les affaires. T'as oublié le mot ? Non, j'ai oublié le mot. Les affaires qu'on a réglées. Non. J'ai oublié le mot exact. Formalité. Formalité. Tazkira. Tazkira. Un billet. Non. Ma wal jam? Tadakir. Non. Jawaz safar? Passeport. Non. Usbou'? Semaine. Al jam? Asabia. Non. Asabia. Hajaza? Yahjizu. Réservé. Réservé. Wal mazdar wa hajz. Comme ça, inshallah. تسلم يتسلم recevoir تسلم نعم استخرج يستخرج استخراجا quoi le sens d'origine استخراجا ايوه c'est recevoir enfin non faire sortir نعم faire sortir extraire كذا voilà le sens voulu c'est faire sortir. Akmala yukmilu ikmalan. Sa'usafiru ba'd ikmal al-ijra'at. Non, achevé et complété. Ah, non. Ta'shira. Ta'shira. Ta'shira. Sans. Bidoun ta'shira, là, t'as trouvé le lien même. Ta'shira. Le visa. Le visa. Subhanallah. Istalama, yastalimu, istilam. On va faire, on va corriger ce qui était à faire pour aujourd'hui. Il y avait, on a le Jim. الجيم هنا تمرين الثاني هكذا جيم بل الباء والجيم الباء والجيم الجيم فقط الجيم باء والجيم باء فعلنا معا ونفعل صمت الجيم طيب جيم أنا حجزت تذكرة لكل ضمائر لكل ضمائر نعم تفضل عندك نحن حجزنا تذكرة نعم إكرار الكل نعم أنت حجزت تذكرة أنت حجزت تذكرة أنتما حجزتما تذكرة أنتم حجزتم تذكرة أنتن حجزتن تذكرة هو حجز التذكرة هي حجزت التذكرة هما حجزا تذكرة أفضل نقطة un point quand tu dis هي حجزت التذكرة comment tu fais أيوة هي حجزت التذكرة نعم هما حجزتا تذكرة هما حجزتا تذكرة هم حجزوا التذكرة هن حجزتن هن حجزنا تذكرة أحسنت الثالث يقول أسند الأفعال الآتية للضمائر السابقة donc là il faut que tu lis les verbes suivants avec les mêmes ضمائر on avait dit quoi نحن وأنت فقط نحن وأنت طيب تفضل عندك ده نحن سكننا أنت سكنت أنت سكنت نعم نعم الكل اقرا عرف عرف نحن عرفنا أنت عرفت أقول ما معنى سكنة ما معنى سأقول لك سكنة سكنة habité نعم quand je dis ما معنى كذا c'est juste dire quoi quel est le sens de tel mot وعرف عرف voyager لا عرف عرف يعرف نعم connaître حجزة ما معنى لا لا صرف وجدله نحن حجزنا أنت حجزت تناول نحن تناولنا نعم أنت تناولت نعم حضر نحن حضرنا أنت حضرت طيب ثم كنا الرابع كذلك صح نعم كتخيم الجاسس également طيب كل واحد يأخذ جملة أنت تأخذ الجملة الأولى ثم والثانية وكذا نعم هل كتبت الدرس نعم كتبته نعم طيب هل شربت عصير نعم شربته ما معنى العصير جو نعم في الجو هل وجدت الصحيفة نعم وجدتها ما معنى هل وجدت الصحيفة ما معنى وجد est-ce que tu as trouvé un journal نعم وجد يجد c'est trouver et صحيفة là c'est un journal un magazine ça peut aussi des feuilles il y en a le مثلا الجمع de صحيفة ça peut être صحوف hein طيب بعد هل تناولت الطعام الطعام هل تناولت الطعام نعم تناولت نعم كيف ما معنى هذه الجملة cette phrase là est-ce que tu as mangé نعم littéralement on dirait est-ce que tu as pris la nourriture mais bon ça se dit pas comme ça on dirait est-ce que tu as mangé نعم طيب بعد هل استخرجت الجواز؟ نعم استخرجته نعم ثم هل اشتريت هل اشتريت فاكهة الفاكهة هل اشتريت الفاكهة الفاكهة نعم مد نعم اشتريتها أيوة. كي ما معنى هذه الجملة؟ Est-ce que tu as acheté des fruits؟ نعم. Les fruits. نعم. اشتري يشتري. C'est acheté. C'est le fruit. C'est pas le fruit. Ouais, c'est le fruit en plus. نعم. مفرد. طيب. كان يدون الخامس اليوم؟ C'est le cinquième؟ On les fait ensemble, c'est bien. Sadis. Sadis, non, moi, j'y peux. Ajib, Kama, Finamouda. J'y réponds comme dans l'exemple. Ça y est, mais je mets le Oula. Rachidun istakhrajat ta'ashira. Rachidun lam yastakhrijit ta'ashira. Aya, Tajim. Rachid n'a pas fait sortir ses visas. Du moins la deuxième, la première c'est le contraire. Non. Ah, souel kobla hada. Ma marna lem ouna. Lem. Lem afal, lem adhab, lem ajlis. Il n'a pas. Il n'a pas. Ah, da haf. C'est un haf na'am. Il s'amma hafou jazm, comme c'est yatikou manchala fi kitab akhar. C'est un haf de jazm qui a une connotation de négation au passé. Et qui ramène un sens de négation au passé. Et ce harf, il rentre que dans le fir mudari. Tu ne verras pas, parce que tu ne verras pas l'âme d'Ahabdou. Abadan, ça n'existe pas. L'âme, si tu vois l'âme derrière, eh ben, le fir qui est derrière, tu sais que ça fait mudari. Obligatoirement. Jumla Thani. Abdullahi kataba rasala. Rasala. Risala. Ah, Abdullahi kataba risala. Non. Abdullah lam yaktub risala. Abdullah lam yaktub. Moi j'ai entendu une haraka à la fin du film, je veux dire ce que j'ai entendu. Abdullah nam lam yak. Comment t'as écrit? Dis-moi ce que t'as écrit. En fait, j'ai oublié de le faire. Tu l'as pas fait? Non, j'ai oublié. J'ai pas... Improvise. Abdullahi yaktubu. Lam. Lam yaktubu. Aïwa, elle est la khata. Ah, lam yaktubu. Aïwa, on a dit qu'on lam yiran sur un verbe dans lire. À la base, c'est une sukun. Il n'y a plus de dhamma. Lam yaktubu. Lam yaktubi. Lam yaktubi risala. Et tu mets la kasra quand tu fais la lire. Non, non. عثمان تناول الطعام. عثمان لم يتناول الطعام. نعم. معنى الجملة؟ عثمان a pris enfin a mangé, a pris son repas. نعم. عثمان n'a pas pris son repas. Ou le repas. Le repas. Mais non, le repas. La fille dormir. رابع. عمر أراد إكمال إكمال الإجراءات. عمارو عمارو لم أعد أعد. ما هو المضارع من أراد؟ أراد. سكون المضارع. أريد. لا تجيب لي كفما. لم. لم. يو آه لم يو أيوة لم يو عمارو لم يريد إكمال الإجراءات. طيب أولا عمر veut achever les formalités. عمر ne veut pas achever les formalités. Là avant أولا un instant. ماذا معك يا داود؟ أراد. طيب يريد. تمام. لم يريد هكذا. Non. Non. T'as tout à fait court, t'es d'accord avec lui? Lem yurid, non. Là, c'est pas comme ça. Hada wal as, ça c'est l'origine. Et là, on est tombé dans quoi? Dans la règle qu'on a parlé dans le cours précédent. Quand en langue arabe, ma yajouz iltikan sakinein, tu peux pas faire que deux lettres se rencontrent alors qu'elles sont sakin, avec des sukun. Là, le yara, c'est quoi sa harakat? Ah, non, c'est aussi. Ça donc là, on a un yasakin et un delsakin. On peut pas. Donc, comment on fait? L'am, yurid. Le ya, il tombe. On enlève le ya. Tu dis l'am yurid. Là, tu dis pas l'am yurid. À ce moment-là, le ya, il tombe. Ça, Inch'Allah, vous aurez plus de détails sur le sujet dans les douloureux de Sarf. طيب واصلين وكتنين الجملة الخامسة أحمد قرأ الصحيفة أحمد لم يقرأ الصحيفة طيب ما معنى الجملة alors أحمد a lu le journal أحمد n'a pas lu le journal نعم عندك الجملة الآخرة من دانية آدم شريب آدم في مد آدم شرب الماء شرب الماء آدم لم آدم لم شرب لم يشرب يشرب لم يشرب الماء لم شرب يشرب لم يشرب الماء يشرب الماء نعم ما معنى الجملة آدم Adam. Ah oui, on ne dit pas Adam. Non. Adam, c'est la version chrétienne. Non. Adam a bu l'eau. Adam n'a pas bu l'eau. Ah, là, ça t'a mis d'avant, dernièrement. On a entendu justement dans une khutba d'un, comment on appelle ça en France, un super prédicateur. Vous voyez ? C'était la première fois que je l'écoutais. Je m'attendais à trouver un truc assez. Yanni, ce que tout le monde parle de lui, tout le monde dit qu'il est comme ci, cela. Il me disait, on va entendre, c'est une personne éloquente, qui a du charisme, qui a de la présence dans son vocabulaire ou quoi. J'écoute de la khutba. À part le début, c'est que du français. Il dit, Allah a dit, oh vous les croyants, et il balance le verset, et il ne dit pas le verset en arabe. Il dit, Allah a dit, et il balance le verset. Du moins, la traduction des sens du verset. Ça, c'est moyen joué. Ça, c'est pas permis. Alors là, il parle pas en français dans le Coran. Et on analyse bien, quand tu parles de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu dis, qu'Allah, tu dis, Allah, il l'a dit, et là, tu mets le verset en arabe. Et après, tu fais que la traduction du sens relatif est rapprochée. Ou si vraiment on dit que tu as du mal à sortir le verset en arabe, ou que tu ne te rappelles plus, mais tu veux rappeler la personne, tu dis, Allah, dans le Coran, il dit dans le sens, et là, tu viens avec la traduction relative rapprochée du verset. Tu dis pas, Allah a dit, et après, tu dis, Allah a dit, ou vous les croyants, kaza, kaza, kaza, kaza. Sûrement parce que c'est une faute. Et deuxièmement, quand j'entends les fils d'Adam, tu vois, dis Adam, mais toi c'est de quoi? Ça va être Jésus, on va dire Jésus, on va dire Moïse, on va dire ainsi de suite. C'est un truc qui fait partie de la tarbiya, l'éducation des gens, dans la da'wa, qu'il faut employer que Allah dans le Coran, il a donné le nom des prophètes, c'est leur nom dans le Coran. Waman asdakum dans l'Allah haditha. Et qui est plus véridique en parole qu'Allah? Allah, il dit, il s'appelle Adam, il n'a pas dit Adam. Ça, c'est un truc qui vient de la Bible. Tu vois? Un truc qui vient de la Bible. Et les gens, il faut leur rappeler que Adam, c'est Adam. Moussa, c'est Moussa. Ibrahim, c'est pas Abraham. C'est Ibrahim. Parce que les changements de nom, chez les koufars, il y a probablement un sens derrière. Tu vois? Par exemple, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comment il appelle les koufars? Mahomet. On va faire un thème bien, on va arrêter. Mahomet. D'où ils ont pris Mahomet? Celui qui connaît un peu la langue arabe va voir comment le temps de la diffamation qui est à l'encontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À la base, c'est Mohammed. Al-Qalem, je crois qu'il va nous lâcher. Mohammed. Vous voyez? Qui veut dire celui qui est beaucoup loué. Quand vous allez faire du surf, vous saurez que Mohammed, c'est un info qui vient de Hamada Yuhammidou, qui veut dire beaucoup l'eau. Eux, comment ils ont dit Mahomet, d'après eux. Et le Mahomet, ils l'ont pris de quoi? De Mahomet, en fait. C'est un Ma. Nafia. Nafia. Mahumida, en fait. Mais en langue arabe, on s'arrête sur la dernière lettre, on se coupe. Donc on dit Mahumid. À la base, ce verbe-là, c'est Hammada, qui veut dire beaucoup loué. Là, ici, là, quand on dit Hammada tout seul, ça vient d'un coup, Hammadtu Muhammadan. J'ai beaucoup loué Muhammad. Alors, le verbe, il est dans sa forme d'origine. Et quand tu changes la première lettre, tu mets une Dhamma au milieu, au début, à la fin, et une Kasra au milieu et une Fatha à la fin, c'est il a été loué. Alors, quand tu dis Kataba, c'est écrire. Et quand tu dis Kutiba, c'est il a été écrit. Donc, eux, ils ont mis quoi? Ils ont mis un Nafia, ils ont mis Humbid, qui n'a pas été loué. Ma Obé à la base, c'est Ma Humbid. Ça y est? Donc, ça veut dire quoi? Celui qui n'a pas été loué. Et ça, tu te rends compte quand tu vas apprendre un peu l'anglais, tu vas réfléchir, tu vas commencer à te rendre compte que les koufars, ils se moquent de toi. Donc, si l'on fait que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait que les autres. Faut pas croire qu'ils respectent les autres Anbiya, c'est pas vrai. Les chrétiens disent on aime Jésus, ils ne l'aiment pas. Isa al-Salam, ils ne l'aiment pas. Ils nous font des films sur lui, joués par des gros faussaires, des gros koufars. Tu vois, il y avait même une comédie musicale avant, ça s'appelait Jésus le Superstar, Jésus le Superstar, je sais pas si tu as connu. Il y a longtemps, une comédie musicale, mon père. Tu vois. Et ça, ils chantent, les gens, ils chantent. Ils te font Allah, ils te le représentent, ils font un dieu, ils vont te faire un bonhomme. Ils vont te faire un homme avec une barbe blanche qui est vue dans le ciel, avec des petits anges et des petites ailes comme ça. Ça, c'est islamitique purement. Même si on sait que eux, quand ils font ça, c'est pas Allah, parce que quand ils disent Dieu, ils veulent dire quoi? Le Dieu de la Bible, soi-disant. Mais à la base, ils veulent quoi? Un rububiya. C'est-à-dire que même pour celui qui prétend qu'ils adorent, ils ont un akos, ils le rabaissent. Tu leur dis, tu crois en Dieu? Dans leur quotidien, c'est par rapport à eux, leur terme. Tu vois, à la base, Dieu, ça se dit pas. Dieu, c'est pas l'un des noms d'Allah. Allah a des noms. D'ailleurs, Asma al-Husna, les plus beaux prénoms, les plus beaux noms, et Dieu, il ne fait pas partie. D'ailleurs, il y a un frère, il a mis un truc, il a écrit que l'origine de Dieu, c'est un truc qui vient d'un mot latin, je sais plus c'était quoi. Il y a un frère qui a écrit la chose, Inch'Allah, normalement, l'article qui sera mis sur le site prochainement. Il explique l'origine du mot Dieu, d'où ça vient. Qui prouve que le fait d'appeler Allah Dieu, tu l'appelles pas Dieu. Plutôt provenant d'un musulman, tu dis pas, tu dis Allah. Un chrétien encore, lui, son problème. Mais nous, on connaît Allah, subhanahu wa ta'ala, on l'appelle Allah. Et on lui donne ce nom, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rafur, Ar-Rahim, ainsi de suite. Donc par rapport à ça, eux, ils vont te faire quoi? Par rapport à celui qu'ils appellent Dieu et qui prétendent qu'ils adorent, qui reconnaissent comme étant leur Seigneur, eh bien, ils te font un bonhomme. Ils te font un homme. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais lu la Bible en image, ça s'appelait, dans les cours de catéchisme. Et bien à la fin, tu vois quoi? Quand ils disent que Dieu va descendre sur terre pour faire régner la paix, tu vois un homme sur un cheval avec une couronne et une épée comme ça. C'est Dieu d'après eux. Quand t'es petit, tu te rends pas compte. Moi j'étais petit, je voyais ça. Mais après tu te rends compte, tu dis, regarde, c'est une maclure. Ils le mettent dans ma tête. Ou la fameuse peinture de. Oh, c'est Michel-Ange. Avec le doigt là. Ouais, non. C'est Michel-Ange qui a fait ça, je crois. Pas à l'arbre là. Quel est le tuyau qui a fait ça? Le contact entre Dieu et l'homme. Tu vois deux doigts comme ça là. Ah ouais. Qui c'est qui a repris ça là? Après E.T. Tu te rappelles de E.T. Le doigt là avec l'autre. Ils ont pris là, hein, mon frère. Après c'est mon extraterrestre, un martien, et un petit garçon comme ça qui se touche. Et l'origine c'est la peinture que je crois que c'est Michel-Ange. Hein. Non, c'est Michel-Ange qui l'a fait ça. C'est dans leur grande église là, au Vatican ou en Italie, je sais pas où. Tu vois un peu? Et ça, tu les balances depuis que t'es petit, et tu les balances comme dans la tête. C'est une tarbiya qui te font une éducation, mais je ne t'en rends pas compte. Moi, il m'avait dit quoi? C'était une prof de catéchisme à l'époque, qui me parlait de quoi? Lorsque Moussa et Salem, il a ouvert la mer rouge pour fuir les bannis d'Israël de Pharaon. Je lui dis, ouais, comment il a fait pour ouvrir la mer comme ça et tout? Elle me dit, non, c'est juste pour le côté grandiose, en fait, il a fait tour par les montagnes. Tu vois pas un peu, c'est-à-dire un enseigne, un dîme auquel elle-même ne croit pas. Elle me dit, ouais, c'est pour faire extraordinaire, tu vois, spectaculaire. Mais en fait, il a passé par les montagnes, il a fait le tour par les montagnes. Quand je me suis rendu compte un jour, après m'être converti, j'ai réfléchissais à ce truc qu'on m'avait appelé avant. Je me dis, qu'est-ce qu'elle m'a dit celle-là? Que Moussa et Salem, en fait, il a fait le tour par les montagnes. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ne croient pas qu'il a ouvert la mer rouge. Et c'est écrit dans leur livre, hein. C'est écrit, c'est encore présent. Il y a des choses dans la Bible qui sont vraies. Tu vois, le salam qu'on a, là tout cas dit bouh le kitab ou là tout ça découvre. Ne les démentez pas et ne les croyez pas. Si vous avez un khabar, en fait il y a trois situations à voir avec les gens du livre. S'il n'y a qu'un khabar qui contredit le Coran, nous casse des bouts, on les dément, on ne les croit pas. Vous voyez ? S'il n'y a qu'un khabar mouafik le Coran, avec une information qui coordonne avec le Coran, on les croit. Et s'il n'y a qu'une information, on ne sait pas, le tawakkaf, on ne dit pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, on ne sait pas. Peut-être que c'est vrai. C'est juste que Allah dans le Coran ne l'a pas dit, qui est vraiment arrivé, on ne sait pas. Vous voyez ? Ben carrément, c'est dans son livre, elle le dément. Non, il a plutôt parlé de montagne. Donc là, c'est un tabi par rapport à quoi ? Au nom des prophètes, c'était l'origine, qu'il faut les appeler comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, ils les ont appelés. On ne change pas leur nom avec la version chrétienne. Il n'y a pas de Noé, il n'y a pas de Moïse, il n'y a pas de. Bien qu'on sait ce qu'ils veulent dire. Ou des fois, si tu parles à quelqu'un, tu parles à un kafir, par exemple, tu fais ta roi, pas de mal que tu fasses ça, pourquoi ? Ben, mais t'as crédit, pour qu'il sache de qui tu parles. Par exemple, tu lui dis, Issa, Ibn Mariam. Tu dis, Issa, c'est le fils de Mariam. Il va dire, c'est qui Issa ? Je ne le connais pas, moi, Issa. Tu dis, chez vous, c'est celui que vous appelez Jésus. Et là, il va, ah ! Et Mariam, c'est qui Mariam ? C'est celui que vous appelez Marie. Et, ah ! Alors, après, tu vas te rendre compte, en fait, c'est les mêmes. C'est les mêmes personnalités. Parce que ce qu'il va dire que l'islam, c'est des nouveaux prophètes. Puis je ne connais pas Ibrahim, moi. Je ne connais pas Moussa. C'est vraiment une religion, elle n'a rien à voir. Tu dis non. Vous les connaissez, seulement vous avez changé leur nom. Mais c'est les mêmes personnes à la base. Et vous les avez, en plus, vous les avez insultés. Tu vois, dans la Bible, ils disent que non, c'est un khamar, c'est un alcoolique. Tu vois, il boit de l'alcool. Une des plus grosses chouettes qu'ils te mettent pour t'empêcher de faire l'amr bi ma'rouf wa nahy munkar, d'ordonner le convenable. D'interdire le blâme, c'est une question qu'il raconte avec Isa dans la Bible, comme quoi qu'une femme l'a fait zina. Vous voyez, une femme l'a fait zina. Et à la base, le had chez eux, la sentence, c'était rejoint. On la lapide, pareillement. Ils se sont mis avec elle, et les gens sont autour d'elle. À la base, c'était les juifs, tu vois, c'était les Banu Israël, mais c'était pas ceux qui suivaient Isa, c'était ceux qui étaient les koufars. Parce que parmi les Banu Israël, les fils d'Israël, t'en as, c'est des musulmans. Ceux qui ont suivi tous les Anbiya, tous les prophètes et qui ont cru en eux, c'est des musulmans. Et les autres, c'est des koufars. Et ils sont venus pour la lapider. Eux, ils disent quoi comme chouette ? Que Isa, ils disent Jésus, il l'a vu, il a dit, et c'est une expression qui est fortement employée à notre époque, ils disent que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et là, ils sont tous arrêtés. Alors, oh ! On a tous fait du mal, nous aussi, on ne peut pas la lapider. Et bien, c'est une grosse chose que je lui dis, quand tu fais tu condamnes un acte blâmable, il dit, et toi alors, t'as jamais fait ça ? Khalas. Donc les koufars, ils font ce qu'ils veulent maintenant. Quand tu vas le voir, il va voler, et un diable, t'as pas le droit, mais tu me dis, t'as à se voler, mais toi-même, tu es un menteur, tu fais ça. Toi et moi, on est pareil, sans fin de ma vie. Voilà, ils font tout ce qu'ils veulent. Et ça, ils l'ont pris d'où ? Et ça, c'est sûr que cette histoire-là, vous voyez, elle contredit le Coran. Elle contredit le Coran. Donc c'est ça, on ne peut pas la croire. Et bien ils ont pris ça maintenant, ils ont fait quoi ? Ils ont fait leur socle dans leur akida qu'on fait ce qu'on veut. Tu vois, on fait ce qu'on veut. Et si moi tu m'en fais un mal, eh ben tu ne dis rien. Sinon c'était une balance, comme ils disent. Le voisin, je ne sais pas, il a fait un tour à la police, ah c'est toi, c'est toi après qui est critiqué. Tu vois, quelqu'un a fait un mal, tu vas voir la police, ouais, lui il a fait ça. Et là je dis, mais tu m'as donné, tu m'as balancé. Et la honte, elle est sur toi après. C'est lui une honte maintenant, vous voyez, d'interdire le blâmable. Mais après, chez les koufars, c'était comme ça. Quelqu'un, il fait un mal, si jamais tu le donnes à la police, ou tu le balances, c'est toi qui les prenais. Et le policier lui-même, il est comment ? Tu sens que tu vas balancer un braqueur, un policier, qui lui-même est un dealer. C'est le monde à l'envers. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas la police d'après les koufars. Ils ne sont pas crédibles dans leur truc, en justice. Donc là, cet abus, c'était par rapport à ce que je disais, par rapport à ce Da'i, je ne vais pas le nommer, tu vois, j'entends c'est un salon de Jumu'ah, sur une barre, et je ne m'attendais pas à entendre ça, de sa part. C'est un Hizbi, hein, je vous le dis, c'est un Hizbi, mais quand on parlait de lui, je me disais, il va parler, je ne sais pas, moi, peut-être comme Tariq Ramadan, tu sais comment il parle, t'as vu Tariq Ramadan, la français, il est fort, pour dire ce qu'il est. Mais c'est un Khabith, tu vois, c'est un Rubun Harif, et il a du Kouf, tu vois, il a des Kalamé de Kouf. Quand il parle français, je dis, lui, il sait lire, il a lu, il s'est connu le français. Mais l'autre, j'ai entendu parler. Je dis, non, c'est lui qui attire les gens comme ça. Et il leur parle même pas en arabe. Il leur donne des versets comme ça. Allah, il a dit, fils d'Adam, kada kada kada kada. C'est surpris. C'est comment il s'appelle? C'était pas l'île des oasis ou un truc comme ça, non? C'est pas ça. De quoi? Le prédicateur. Non, c'est ça qu'il se dit, Salafi. Il y a une barbe comme il. C'est de tout bourger, ça. J'ai pas entendu qu'il y a de bourger celui-là. Il s'appelle. Bien qu'il fait partie de ces gens-là, mais j'ai pas entendu qu'il était au bourger. En tout cas, tu vois, pour dire, voilà quoi. Et je vois que les gens. Et comme un frère disait, c'est quand t'es enfant, tu t'en rends pas compte. En fait, c'est quand tu sors. Tu dis, mais en fait, les gens, les gonflent, ils ont rien. Quoi. Quand tu entends, si tu comprends des khutbas qui est ici, quand Shayaha, ils enlèvent pour se mettre une barre, tu fais une khutba, ben, tu te dis après, moi j'entends ouais, les frères font des khutbas en France, quand je me dis, mais comment ils font des khutbas? Quels khutbas ils font? J'entends celles qui sont ici, là. Je me dis, jamais je peux montrer ça une barre, faire une khutba, c'est pas possible. Quand tu entends Shayaha qui fait ses khutbas, tu dis, je peux pas faire de khutba d'ailleurs, c'est pas possible. Ou tu entends les machères qui font des muhadara, des conférences, tu dis, c'est pas possible. C'est que des versets des hadiths. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils disent, les frères? Et je sais qu'en France, c'est pas des phrases, en général. C'est pas, ils ont le Coran, ils sortent le verset comme ça, le hadith sort comme ça, qui l'a sorti, c'est qui le sahabi. Donc je me dis, qu'est-ce qu'ils disent? Et bien, quand j'ai écouté la khutba, je dis, ah bah oui, si c'est ça la khutba, ah bah c'est facile. C'est facile. Le hadith, tu sors dans le sens, puis en français, enfin, on peut le faire en général. Le verset, tu sors le soi-disant le sens relatif rapproché. Et voilà. C'est triste? Et les frères, ben, c'est devenu leur référence religieuse, là, pour beaucoup d'entre eux, du moins. Et les mêmes dans le Himalaya. T'as une bourrassine ? Donc là, on a fini la première partie du vers, Al-Awwal. Et en fait, tous les douloureux, ça va être comme ça. T'as une partie longue au début, avec un hiwar, une conversation, après avec des exercices, du vocabulaire, et après le vers, ils le finissent par quoi ? Par une lecture. Ils te remettent le texte, la conversation qui a été prise au début du vers. Ils te la mettent en quoi? En résumé. Après, une série de questions, et après le DERS, il est fini, il passe au DERS, Thani, Sarabia. Donc on va toujours faire comme ça, en général. On va prendre la première partie du DERS, le Hiwar, on va prendre de nouveaux mots, on va commencer l'exercice ensemble, certains ou d'autres à la maison, le lendemain on le corrige, et on prend la petite partie, et les questions, et on a terminé. Ainsi de suite. Vous voyez? Non. Donc là il dit ikra. Ikra, ça c'est un verbe impératif. Fi'l amr de qara'a yaqra'u, c'est-à-dire lit. Awlan nakhudh al-kalimat al-jadida. On prend les nouveaux mots. Yaqul al-mulhaq al-ta'limi. Al-mulhaq, c'est un attaché. Al-ta'limi, c'est à la base ta'lim, c'est enseignement. Donc on dit à quoi? Un attaché d'éducation. Ça existe, ça? Ce qui me paraît le plus probable. C'est un maquin ou là? Non, c'est une personne. Un attaché de... Par exemple, un attaché de presse, ça existe. Ou un attaché au consul. Ou un attaché à... C'est, en fait, celui qui est en dessous du statut principal. C'est d'enseignement. D'enseignement ou d'éducation. Parce que généralement, ce qui touche à l'enseignement en France, c'est l'éducation, ça s'appelle. Par exemple, là où il y a tout ce qui touche à l'école, c'est le ministère de l'éducation. Donc je pense qu'en France, ils disent un attaché d'éducation ou un truc comme ça. Toyez. Karrara yukarriru. Et on va prendre le masdar. Karrara, là, ça veut dire décider, s'engager à faire quelque chose. Karrara. Allez, ouais. Karrara yukarriru. Il est où? À quelle heure? Korrara, voyez. Yukarriru. Et le mazda, c'est Takriran. Voyez? Takriran. Comme je vous ai dit, décider, prendre la décision, s'engager à. Non. Assifara, c'est l'ambassade. Qabala, yuqabilu. Qabala, yuqabilu, ça veut dire rencontrer. Et le masdar, c'est qui est très employé en France pour les mariages. Comment on dit quand un frère il va rencontrer une sœur, il va faire une. En France, on dit quoi? Une mukarabala. Et en vrai, ce mot-là, il n'est pas employé dans. En gros, on dit une khitba. Vous voyez, ça s'appelle une khitba en vrai. Donc le masdar, c'est mukarabala. Qui veut dire une rencontre. Muqabala. Qui est le mazar de Qabala Yuqabil. Ensuite, Hassala Yahsulu. Hassala, ça peut avoir plein de sens. Lakin, quand tu mets le harfoujar, hasala ala, c'est obtenir quelque chose. D'accord, monsieur? Hasala, hasala Muhammadun ala ta'shira. Muhammad a obtenu le visa. Et le masdar de hasala, c'est khusoul. Khusoul. Akala. Khusoul. Et quand tu dis Yahsoul Kada Kada, c'est il se produit telle chose, il se passe telle chose, tout seul. Mais là, ce qu'ils veulent, eux, c'est obtenir. Yahsilou, avec un sod. Ouais. Je connais pas. Je connais Hassoul Yahsoulou. Et c'est quoi Hassoulan. El Mazar Hassoulan. Hassoulan. Non. طيب ثم يقول وزارة الداخلية وزارة اسكيبلا او بالاسي مينيستير اي داخلية كيزي كي بوكي بو ديدوير سي فاسيل تروفي داخل دو لا دو رونتري بو رونتري ايوا مي كومون ديري اون ا ميم مينيستير دانتيريور احسنت مينيستير دانتيريور Wabilad, c'est le djem de balad, qui veut dire pays, ou des fois ça veut dire contrée, une région même. Tayyib, ma foum el kalimat, vous avez compris? Tayyib, ayyukuma yurid an yakra an nas. Anta? Tfadda. Thumal mara'atiya sayakun da'ouda kada. Tayyib, tabadalan, ahinan anta, ou ahinan. سلم محمود تذاكر السفر إلى مملكة العربية السعودية. أيوة عفوا. تستطيع ترجمة الجملة؟ محمود a reçu ses billets d'avion, enfin ses billets de voyage, non? Billets d'avion, ouais. Pour le royaume d'Arabie Saoudite. نعم أحسنت. أما رشيد فلم يتسلم التذاكر. Rachid n'a pas, quant à Rachid, non. Il n'a pas reçu ses billets. Non, on avait dit Amma, c'est quant à. Qarrara Rachidun Dahaba ila. Qarrara Rachidun Dahaba ila Maktabil Mulhaqi Ta'limiyi Saoudi li istilami Tadhkira. Non. Rachidun s'est décidé à partir vers le bureau du de l'attaché d'éducation saoudien pour recevoir ses billets. Dahaba Mahmoudun l'istikhraj al-ta'shira. Mahmoud est parti pour faire sortir ses visas. Qabala Mahmoudun muwazzafa as-sifarati wa hasala ala ta'shirati ad-dukhul. Là, on va s'arrêter là. D'ailleurs, il y a un nouveau mot là qui n'ont pas cité dans le tableau. C'est muwazzaf. Muwazzaf, c'est l'employé. Employé. Employé de travail. En général, un muwazzaf, c'est une personne qui reçoit une personne. Dans une agence, dans un bureau. Vous voyez. Non. Tarjim, traduis cette phrase. Mahmoud, Mahmoud a, a rencontré le Mouadhaf, le, l'employé de l'ambassade. Non. Et il a reçu son, son, son visa d'entrée. Non. Il a obtenu son visa d'entrée. Non. Comme ma. أما تأشيرة الخروج فقد حصل عليها من وزارة الداخلية. Et quant au, au visa de sortie, il l'a reçu. Tarif il va certes. C'est déjà. C'est déjà. Allez voir. Code, c'est à plusieurs sens, mais le sens le plus employé, c'est harf tahqiq, qui veut dire déjà. Code, faire un tout kaza, c'est j'ai déjà fait cela. Alors, quand, quant, au visa, quant au visa de sortie, il l'a déjà reçu dans le, dans, par le ministère de l'Intérieur. Non, ça. Taïeb. Fumma yakul awalen ajib an asiyatil atiya. Donc, réponds aux questions suivantes. Wahaza yakunu li ghadin. Ça sera pour la maison, peut-être avant de réfléchir un peu, de relire le texte. Innama sanakra asila hatta yani akun hatta kuna ala yaqin ankum fahimtum. Pour être sûr que vous avez bien compris les questions. Awalan, hal tasallama Mahmoud tadhakir as-safar? Est-ce que Mahmoud a reçu les billets du voyage? Thaniyan, ila ayna yusafiru Mahmoud? Tayyib, vers où va voyager Mahmoud? ثالثا هل تسلم رشيد تذاكر السفر؟ Est-ce que Rachid a reçu les billets de voyage؟ رابعا من اين يتسلم رشيد تذاكر السفر؟ D'où Rachid reçoit les billets de voyage؟ خامسا هل قرر رشيد الذهاب الى المكتب الملحق؟ Est-ce que Rachid a décidé d'aller au bureau de l'attaché؟ مكتب c'est bureau. من أين حصل محمود على تأشيرة الدخول؟ D'où est-ce que Mahmoud a obtenu le visa d'entrée؟ سابعا من أين حصل محمود على تأشيرة الخروج؟ D'où est-ce que Mahmoud a obtenu le visa de sortie؟ Ça c'est le premier exercice. ثانيا اكتب النص السابع في كراستك. Écris le texte. Tu vas pouvoir lire dans ton cahier. C'est-à-dire ce texte-là, là, tu l'as écrit. Ok, ça te fait écrire, alhamdoulilah. Et min ahsantuluk al-hifz, la meilleure façon de retenir une chose, c'est de les écrire. Quand tu vas écrire une chose, elle va rester plus dans ta tête. Biznillah. Thalithan, ajib an asilatil atiya. Réponds aux questions suivantes. Maintenant, tu réponds à ces questions-là de toi-même. De toi-même, inshallah. Awalen masmuka. Voilà, ça. Thanien, ma jinsia tuka. Jinsia, c'est la nationalité. Et jinsia, c'est la nationalité. Thalithan, aina tadrous. Où étudies-tu? Rabi'an, aina taskun. Où habites-tu? Khamisan, kefa kumta bi istikharaj ta'shiratid dukhul. Unzur. Kaifa, ça c'est un isme stifam qui veut dire comment? Comment? Non. Kumta, c'est le mardi de Qama Yakumu. À la base, Qama Yakumu, ça veut dire se lever. Mais des fois, il peut t'envoyer pourquoi? Qama, c'est à cool. Ana, Shars Yakul, Nathalen, Man, Yafal Gada, qui fait telle chose? Moi je m'en occupe. Ana akumbi. Je vais le faire, je prends en charge la chose. Voyez. Ta kumbi kaza, c'est tu prends la chose en responsabilité, tu t'en occupes. Ben là il dit, kayfa kumta bistikhraj ta'shiratid dukhul. Donc là on dirait plutôt comment tu t'es pris, comment as-tu fait pour faire sortir les visas d'entrée. Voyez. Sadisan. Kaifa kumta bi istikhraj ta'shirat al-khuruj. Et là, comment tu t'y es pris pour faire sortir le visa de sortie? Et là, c'est la mafouma. Non. أبدا الأسئلة طيب فلي غادين طيب تجيباني عنها ستبقى كل جزء الأخير c'est comment ça rentre Inch'Allah. Fils Ouel ouais. Avec Ouel Avec Ouel Khalas Taïeb. On a activé bien ça. On a dit, Alhamdulillah, Rabbil Alameen.